Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Voilà, que j'ai intitulé « Impunité ». En fait, j'ai emprunté ce titre à l'éditorial d'Alexandra Schwarzenbrod, qui parle bien sûr des événements qui se passent encore et toujours en Syrie aujourd'hui. Donc, titre d'un article qui évoque l'impuissance, voire l'indifférence des puissances européennes face à la crise qui continue de secouer la Syrie et le fait que la tension est montée d'un cran entre la Russie et la Turquie. Cependant, l'Europe des 27 ne risque-t-elle pas d'être rattrapée par cette crise qui va pousser vers elle des dizaines de milliers de migrants qui fuient les bombardements russo-syriens? Que les bombardements, c'est vrai que c'est le gouvernement syrien appuyé par les Russes. Comme à Lesbos, où le gouvernement grec veut construire des camps fermés pour contenir cette nouvelle vague migratoire. Dans cette guerre, c'est toujours les populations civiles qui transigent, parce que là, on a quand même 3 millions de personnes. C'est autre chose que le coronavirus. 3 millions de personnes qui sont aujourd'hui en danger, dont ces 3 millions, c'est 87% de femmes et d'enfants. Alors, je reprends cet article « Impunité ». S'il fallait encore une preuve de la tragique impuissance européenne au Moyen-Orient, et donc dans le monde, puisque cette région est l'une des plus gros foyers de crise, nous l'aurions là, sous nos yeux. Depuis décembre, la population d'Idlib, en Syrie, est massivement bombardée par les forces du régime syrien alliées à l'armée russe. En 2 mois au moins, 1 million de personnes ont dû prendre la fuite. Des milliers d'autres ont été tuées, quand elles ne sont pas mortes de froid, dans des camps trop précaires pour résister à une température inférieure à 0 degré. Depuis 9 ans que dure la guerre en Syrie, on n'avait pas vu un tel exode. Pour les régimes de Bachar el-Assad et Vladimir Poutine, il s'agit de nettoyer la dernière province syrienne contrôlée par l'opposition. Et ils s'y adonnent en toute impunité, le monde ayant passé depuis longtemps la population syrienne par perte et profit. Sauf que la Turquie, qui soutient plutôt des groupes rebelles et retient sur son territoire les réfugiés cherchant à gagner l'Europe, n'entend plus jouer son rôle de tampon. Après que l'armée turque a perdu 33 de ses hommes dans une frappe des forces syriennes jeudi, le président turc a menacé d'ouvrir ses frontières si l'Europe ne lui apportait pas son soutien, laissant des dizaines de milliers de réfugiés fuir vers l'ouest du continent. C'est l'unique moyen dont dispose Erdogan, qui a joué un rôle plus qu'ambigu dans la crise syrienne, pour forcer l'Europe à le soutenir face à l'alliance russo-syrienne. La crise en cours se joue donc sur 2 terrains, politiques, avec une possible confrontation majeure entre la Russie et la Turquie, Turquie membre de l'OTAN, comme chacun sait, et humanitaire, avec des dizaines de milliers de réfugiés susceptibles d'errer vers l'ouest de l'Europe. Elle n'aurait peut-être pas éclaté si la plupart des Occidentaux n'avaient pas détourné les yeux d'Idlib. L'Idlib restera quand même dans l'histoire comme véritable impuissance, voir la complicité des Occidentaux vis-à-vis du dictateur syrien qui a quand même tué à peu près, bien plus que Daesh d'ailleurs, à peu près 400 000 ressortissants de son pays jusqu'à présent. Alors qu'en est-il de la gravité de la situation humanitaire? Ah ben voilà, il faut donner la parole aussi parce qu'on parle de tout sauf de la gravité de cette situation. Qui est quand même particulière. La catastrophe annoncée est encore pire qu'anticipée. La situation est désespérée selon Médecins sans frontières, totalement inacceptable pour le Comité international de la Croix-Rouge. Cauchemardesque selon l'ONG CAR, qui ajoute « Cela dépasse l'entendement. Le drame humanitaire qui frappe les habitants d'Idlib est inédit. » Même après 9 ans d'un conflit où les crimes de guerre sont devenus la norme. Jamais autant de gens n'ont été déplacés dans une zone si petite en aussi peu de temps. Depuis le début du conflit, bien sûr. Leurs vies sont de plus en plus menacées. note le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, dans sa note du 26 février. Depuis la relance à la mi-décembre de l'offensive du régime syrien et de ses alliés russes et iraniens à Idlib et dans l'ouest de la province voisine d'Alep, environ 950 000 personnes ont été déplacées. 950 000 personnes, selon les Nations Unies, dont 60% sont des enfants et 21% des femmes. Ils sont d'autant plus vulnérables que beaucoup avaient déjà fui les années précédentes, déjà déplacés par les combats et les bombardements. Depuis décembre, ces réfugiés arrivent sans presque rien, quelques vêtements et couvertures, parfois des ustensiles de cuisine, et très rarement de l'argent. Les camps où ils comptaient s'abriter sont surpeuplés. Plus d'un million de personnes vivent dans celui d'Atmé, qui jouxte la frontière turque. Les nouveaux arrivants s'installent où ils peuvent, dans des tentes de fortune, ou dans leur voiture, s'ils en ont une. Parfois en dehors, s'ils n'ont pas le choix. Plusieurs enfants sont morts de froid ces dernières semaines. L'hiver est très rigoureux à Idlib. Les gens se retrouvent pris au piège, coupés de tout, et n'ont plus de quoi survivre, a déclaré Fabrizio Carboni, directeur régional de CICR dans le Proche et Moyen-Orient. Voilà, il fallait quand même en parler, parce que c'est une catastrophe humanitaire sans précédent qui peut survenir d'une journée sur l'autre. On savait déjà tout ce qui s'était passé en Syrie, ces centaines de milliers de morts, mais là, on risque d'avoir une nouvelle catastrophe humanitaire énorme, et puis les conséquences, bien sûr, sur l'immigration. C'est vraiment regrettable que les médias se cantonnent à nous bassiner avec le coronavirus. Ce n'est pas que les informations concernant donc cette épidémie ou cet épisodisme, je ne sais pas comment on l'apprend, sont utiles, mais bon, ne parler que de ça, alors qu'il y a des drames qui se déroulent, il y a des dictatures qui se développent à travers le monde. C'est vraiment regrettable que les médias s'en tiennent à des sujets et ne parlent pas de ce problème humanitaire qui est énorme. Voilà. Voilà, c'était un petit peu mon billet d'humeur. Et puis voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée, que je vous souhaite la meilleure possible. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.